Le grand-père emporta l'enfant dans sa maison, au champ, d'où l'on voyait un si vaste horizon qu'un petit enfant seul pouvait l'emplir. Les plaines étaient vertes avec toutes sortes d'alènes qui sortaient des forêts et des eaux. La maison avait un grand jardin, et cette floraison, ces prés, tous ces parfums et toute cette vie caressèrent l'enfant. Les fleurs n'ont pas d'envie. Dans ce jardin croissaient le pommier, le pêcher, la ronce. On écartait les branches pour marcher. Des transparences d'eau frémissaient sous les sols. On voyait des blancheurs qui semblaient des épaules, comme si quelque nain fût été là. Les nids murmuraient l'hymne obscur de ceux qui sont bénis. Les voix qu'on entendait étaient calmes et douces. Les sources chuchotaient doucement dans les mousses. À tout ce qui gazouille, à tout ce qui se tait, le remuement confus des feuilles s'ajoutait. Le paradis, ce chant de la lumière gaie, que le ciel chante. En bas, la terre le bégaie, en été, quand l'azur rayonne, ô pur jardin. Paul, étant presque un ange, il fut presque un Éden. Et l'enfant fut aimé dans cette solitude, hélas, et c'est ainsi qu'il en prit l'habitude.